qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ah, c'est pas vrai, elle m'a retrouvé, je croyais l'avoir semée. Elle était à mes pieds, j'en avais profité pour lui écraser la tête dans une flaque. Ça avait fait crack, moi j'y croyais. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me touches les cheveux? Je sais pas quoi te dire. Tiens, t'as qu'à partir. Bon, c'est peut-être un peu vrai que j'avais abusé. Abusé d'elle, mais c'était que sexuel. Maintenant, je me rappelle. Qu'est-ce qui m'a pris? Elle est même pas jolie. Je veux lui faire mal et puis que ça soit fatal. Elle me lâche pas la grappe, alors je l'attrape et je lui mets la tête au fond des toilettes. Qu'est-ce qu'il te faut? Peut-être passer sous un métro. Oh, c'en est trop. Faut que je change de boulot. Je coince les doigts dans la porte jusqu'à ce que le sang sorte. Et avec un peu de veine, chope la gangrène. Je suis perdu, le cauchemar continue. T'es une vraie sangsue, je vois pas d'autre issue. J'ai fabriqué une poupée, c'est ton portrait craché. Sans bras ni jambes, on va voir si elle flambe. Cours partout, dans tous les sens, tiens, ça sent l'essence. C'est du feu que tu craches. Attention à la marche. Ce matin, je souris à la vie. On ne verra plus jamais tes morts et enterrés.